féminin sur l'enseignement secondaire masculin à partir de 1924, ce qui incite les lycées de jeunes filles à ouvrir des classes de baccalauréat, donc à permettre aux jeunes filles de passer le baccalauréat et donc d'entrer à l'université. Dans l'entre-deux-guerres, on a une croissance du nombre des étudiantes et du rapport étudiante par étudiant. Oui. Donc des femmes vont entrer dans des carrières. Il y en avait déjà un peu avant 14, mais très peu. Avocates, journalistes, professeurs, médecins. Avec toujours des réactions de la société sur cette entrée des femmes dans des métiers qualifiés. Et puis beaucoup de nuances à apporter toujours à cette histoire parce que les femmes au temps de la guerre de 1914, ce sont autant de groupes sociaux, autant de générations, autant de destins. Et je reprends votre mot, Françoise Thébault, ce sont ces destins qui sont intéressants. Et si je peux, encore une minute, un très bon exemple, c'est Simone de Beauvoir, d'une famille traditionnelle de bourgeois rentiers, appauvris par la guerre, par le phénomène de l'inflation. Et le père va accepter que ses filles travaillent, fassent des études, travaillent, alors qu'au départ, il aurait imaginé un destin plus traditionnel. Et Simone de Beauvoir, c'est aussi intéressant, passe le baccalauréat en 1924-1925. Ouais, c'est cette Ensuite, l'agrégation de philosophie. C'est cette histoire qui nous intéresse toujours sur le temps long, parce que la vie d'un individu, d'un homme, d'une femme, ça ne se réduit pas à un moment. Et c'est le cas pour ces 4 ans de guerre qu'il faut inscrire dans un temps beaucoup plus long. Merci vivement à tous les deux. Jean-Yves Le Naour, 1919-1921, Sortir de la guerre, et puis votre intégrale 14-18. Et merci beaucoup aussi, Françoise Thébault. Et je rappelle à la petite bibliothèque Payot, Les femmes au temps de la guerre de 14. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment réprimer le viol ? La condamnation de ceux qui se rendent coupables de violence à l'égard des femmes fait aujourd'hui l'unanimité dans le monde politique, mais il ne faut pas oublier que ce consensus est assez récent. Même dans le cas extrême que représente le viol, il a fallu attendre l'année 1980 pour qu'une loi soit adoptée. Elle a fait suite à une mobilisation intense des associations féministes sous l'impulsion de l'avocate Gisèle Halimi, qui animait le collectif juridique Choisir, créé en 1971. Le procès, qui s'est ouvert à Aix-en-Provence en mai 1978 pour juger, 4 ans après les faits, les 3 violeurs de 2 jeunes campeuses belges, a été un moment clé dans cette histoire. Au terme de débats houleux, le meneur du viol fut condamné à 6 ans de prison, les 2 autres prévenus à 4 ans pour tentative de viol. Ce procès, largement médiatisé, eut un retentissement national. Sous la pression de l'opinion publique, les députés adoptèrent la première loi réprimant le viol en avril 1980. Elle fut publiée au journal officiel en décembre de la même année. Pour comprendre l'importance de cet événement, il est nécessaire de rappeler que, sous l'Ancien Régime, quoique condamné explicitement par la loi, le viol était faiblement sanctionné dans les faits, surtout lorsque les violeurs étaient des hommes puissants. Plusieurs facteurs se conjuguaient pour expliquer cette impunité. Tout d'abord, il faut savoir que la société d'Ancien Régime était beaucoup plus violente que la nôtre, ce qui avait pour effet de banaliser des violences sexuelles qui n'étaient pas clairement distinguées des autres formes d'agression physique. À cela s'ajoutait la crainte des femmes violées, qui n'osaient pas porter plainte, surtout quand leur agresseur appartenait aux classes dominantes. Enfin, elles étaient souvent paralysées par la honte, car on disait à l'époque qu'un homme seul ne pouvait pas abuser d'une femme adulte, ce qui faisait peser un durable soupçon sur le consentement, au moins tacite, des victimes. Au XVIIIe siècle, apparurent les premières critiques à l'encontre des libertins nobles et fortunés qui, à l'instar du marquis de Sade, se livraient à des actes barbares. C'est à ce moment-là qu'on commença à se préoccuper du sort des enfants victimes de viol. La Révolution amplifia cette rupture. Présentée dans le Code pénal de 1791 comme une atteinte à l'ordre social, le viol fut alors défini comme un crime contre une personne, ouvrant la voie au travail juridique qui sera développé tout au long du XIXe siècle. Parmi les étapes importantes de ce processus, on peut noter la distinction établie en 1810 entre le viol et l'attentat à la pudeur. ce qui aboutit à la loi de 1832 qui définit un nouveau crime, l'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs. Pour la première fois, le principe du défaut de consentement lié à l'âge fut inscrit dans le droit français. Les premiers véritables progrès dans la répression du viol résultèrent donc d'une volonté de protéger les enfants contre la violence des adultes. Merci beaucoup Gérard Noiriel pour cette analyse. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Une émission préparée par Anne-Toscane Vudès, Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Violette Ruiz et Maïwenn Guizhou. Ces émissions sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.